suis trop moche pour elle. Je ne suis qu'un amant d'un soir. Pour elle, il y aura toujours le choix, il y aura toujours les mêmes. Pourquoi ne vient-elle pas voir?